C'est le temps de l'album de la semaine, commentaire de disque de la semaine que vous pouvez lire sur les sites de Centrart, www.centrart.qc.ca ou le Québec Pop, québecpop.com, ainsi que sur ma page de Facebook de CanRock, CANROCGA. D'ici là, quelques jours, mes nouveaux commentaires de février seront en ligne. Ce soir ou aujourd'hui, je vous parle de Nightcrawler, Simon Daniel. Un deuxième opus pour l'auteur, compositeur, interprète acadien Simon Daniel, qui s'avère être un peu plus profond que Jaune. Nightcrawler est effectivement un peu plus sombre, mais tout aussi intéressant que son premier effort. Dès les premières notes de la pièce-titre Nightcrawler, qu'on va entendre dans quelques instants, on saisit l'invitation d'un voyage vers l'intérieur grâce au jeu de guitare, aux accords planants et au rythme plus lent. Un de mes coups de cœur, Microscope, intensifie ce sentiment d'abandon vers l'intérieur. La majorité des chansons de Nightcrawler ont ce mood évasif qui nous entraîne vers le fruit d'une recherche musicale et expérimentale qui nous donne vraiment là, une musicalité des plus intéressantes. Donc, je vous donne des adresses, bien sûr. Le disque devrait être disponible via Distribution Plage, www.plageavecuns.net ou encore le simondaniel.ca. Allez faire un tour, allez écouter ça, allez mettre la main là-dessus. C'est vraiment un bon album. Comme je vous disais, Nightcrawler donne vraiment le son, le ton de l'album qui est fort intéressant. On va écouter la pièce titre justement. Voici Nightcrawler de l'auteur, compositeur, interprète acadien Simon Daniel à CanRock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Thank you. Nightcrawler, Simon Daniel. Autre pièce qui m'ont vraiment touché sont la prochaine qu'on va entendre, Rue Jones, pour son univers folk planant qui se termine par un superbe crescendo. C'est aussi un des plus beaux textes du disque. Il y a Ma Place, qui est un autre extrait qui m'a beaucoup touché pour à peu près les mêmes raisons. Et en fin de commentaire, on va entendre la pièce Voyageur, qui se démarque de par son énergie, un peu à la The Cure ou The Smith, une énergie là, un peu british, là, donc vraiment assez intéressant. Je tiens à mentionner un petit interlude intéressant, Front Seat, qui est une belle petite pièce électropop instrumentale avec un bon beat. C'est fortement apprécié, donc vraiment une très très bonne pièce. Mais pour l'instant, on va y aller, si vous voulez bien, avec une de mes favorites, Rue Jones, un univers folk rock planant très intéressant. Y'a rien qui me brasse. Le plancher craque sous mes pieds. Une tache de café dans le fond de ma tasse. La dernière trace que j'ai laissée. Les murs ont vécu ma dissonance. Les pièces sont saoulées, mes nuits. J'ai trouvé une résonance, puis j'ai fait du bruit. Oh, beaucoup moins pop que ce à quoi je m'attendais. Nightcrawler, de l'auteur, compositeur, interprète Simon Daniel, est des plus intéressants grâce à une recherche musicale qui porte fruit. Même si la majorité des chansons font au-delà de 4 minutes, on ne ressent aucune longueur. Au contraire, on est captivé par la qualité du produit et on se laisse transporter par la force des mélodies. La réussite des arrangements, la prestation des instruments en font un produit magnifique. Donc, allez découvrir ce petit bijou via le simondaniel.ca ou encore Distribution Plage, www.plageavecuns.net. C'est vraiment intéressant. Un peu différent de ce à quoi je m'attendais, mais Nightcrawler est vraiment un très bon album que j'ai beaucoup apprécié. On va se quitter avec une pièce un peu différente du reste de l'album, une pièce qui fait un peu The Cure de Smith, Belle Énergie. Voici Voyageur, Simon Daniel. Prends le ciel et apporte le vent. ça fait 20 ans qu'on a lancé cette chanson-là qui débute le bloc de l'Est-Québec-Ontario. Ça va brasser, tiré de l'album La Chanson Sacrée, premier album de swing qui est sorti il y a 20 ans. Ils sont malheureusement dans une tournée d'adieu, mais c'est une tournée qui tombe bien. C'est une tournée qui célèbre aussi le grand succès qu'ils ont en ce moment avec la prochaine chanson qu'on va entendre. Swing est depuis 3 semaines numéro 1 sur les radios au Québec avec la chanson On perd la tête. Donc c'est vraiment, ils nous quittent au top. Et puis ils ont d'autres projets, bien sûr. Michel Bénac a une compagnie de disques, donc une étiquette de disques là. Donc il va être occupé avec ça pas mal. Mais ça va brasser. C'est vraiment intéressant comme pièce souvenir. En tout cas, j'ai écouté ça puis je trouvais ça super intéressant, super rafraîchissant. Donc, bravo pour Swing, hein? Bravo pour leur 20e anniversaire. On va s'ennuyer de vous autres. Et bravo pour le succès de la pièce On perd la tête, qu'on va entendre dans quelques instants avec, entre autres, invité Jacques Aubus. Par la suite, on va entendre Wise Antangana, qui, lui, au mois de février et mars, sera dans les écoles à faire de la formation. Le mois de février pour, bien sûr, le mois de l'histoire des Noirs et le mois de mars, qui est le mois de la francophonie. Donc, Wise Antangana va se promener dans les écoles, rencontrer les jeunes et faire quelques ateliers avec eux. Donc, on va l'entendre avec une excellente chanson qui s'appelle « Rester motivé » de son magnifique album « Rythme et motivation ». Donc, « Wise Antangana », ça s'en vient dans quelques instants. Mais là, on se quitte pour l'instant avec « Swing » et « Jacobus ». Très bonne chanson, 3 semaines top numéro 1 au Québec. Voici tout simplement « On perd la tête ». Voici le groupe « Swing ». On compte les heures à tous les jours. On tape du pied haut comme un tambour. Plus on attend, plus on devient fou. Dans quelques heures, ça se passera chez nous. So prends un Uber et come on over. On tape des mains et flippe tes cheveux. Un vodka soda, un sac qui bombe. La fête commence dès que la nuit tombe. Que tu sois beau ou laid, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, oh on va faire la fête. Ce soir on perd la tête. Oh y'a des girls et y'a des gars, mais quand je danse, tassez-vous de là. Et quand ça part, check baby mes moves. Macarena, ah, oh, que ça groove. Oh tous les girls, chacun leur tour. Sur Instagram, tu sois beau ou laid, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, oh on va faire la fête, ce soir on perd la tête. Qu'est-ce qui se passe, Jacobus avec un boy band? LGS quand ça swing, c'est amazing. All night, faudra pas baisser les lights trop. Simple, faut que tu parles aux people. Vodka Red Bull, pas la 4 semaines tôt. Calm, chill, je bride pas ma pile. Parle à moi-même, tu peux dire goddamn. LGS c'est dans ta ville. Jacobus party, still high class. VIP, MMT. Que tu sois beau ou laid, partout sur la planète, ce soir on perd la tête.